Assise dans l'herbe, Pascal avait passé un long moment à méditer. Aurore était partie rejoindre Georges à Toulouse, préférant ne pas être là au moment où Henri arriverait. « Je vais voir un match de rugby !» avait-elle précisé avec son rire communicatif. « Pas que j'en raffole, mais c'est mieux si tu restes seule avec ton père. Et puis Georges sera tellement content que je l'accompagne pour une fois. » Aurore, sa gaieté, sa présence chaleureuse, ses idées parfois loufoques. Quel bon génie l'avait remise sur la route de Pascal. Grâce à elle, mais aussi à cause d'elle, et de sa manie de fureter dans ce fichu grenier, Pascal avait parcouru un si étrange chemin. Au lieu de sa propre enfance, c'était le passé de sa mère qu'elle avait retrouvé à Pérols, et dont désormais, elle devait assumer les conséquences. Un héritage inattendu, empoisonné. D'où elle était, elle voyait une partie du parc, la maison dans le fond, la serre, et elle se souvenait du jour où un taxi l'avait déposée devant les grilles fermées sur lesquelles était accroché le panneau « Alloué ». Poussée par une force qui la dépassait, elle s'était endettée pour acquérir la propriété, persuadée qu'elle accomplissait l'un des actes les plus importants de son existence. Aujourd'hui, avait-elle envie de continuer à vivre ici? Le bruit d'un moteur la fit se lever. Gamine, elle se précipitait toujours à la rencontre de son père lorsqu'il rentrait d'Albi en fin de journée. Elle faillit courir vers lui, heureuse qu'il soit venu, mais quelque chose l'en empêcha. Il était en train de sortir de la voiture et sa silhouette un peu voûtée n'était plus celle d'un jeune homme. Il changeait, il vieillissait. Ce genre de déplacement devait le fatiguer. Ne parlait-il pas de prendre sa retraite et de laisser Adrien diriger la clinique à sa place? Alors qu'elle traversait la pelouse à sa rencontre, il l'aperçut, leva la main et la laissa retomber, puis attendit qu'elle arrive jusqu'à lui. « Ma petite fille !» dit-il en la prenant dans ses bras. Pendant une minute, ils restèrent enlacés sans parler. « Tu es de plus en plus belle !» murmura-t-il enfin. Mais il ne la regardait pas. Il contemplait les fleurs autour d'eux. « C'est drôle ! D'ici, on ne devine vraiment rien. Mon Dieu, c'est si loin l'époque où ta mère arpentait les allées d'un massif à l'autre. N'y pense plus, papa. Je crois que je vais suivre ton conseil et tout changer. Ce sanctuaire ne sert à rien. » Voyant à quel point il était triste, elle regretta d'avoir insisté pour qu'il descende à Pérols. Déjà, elle n'aurait pas dû lui envoyer cette photo, qui ne pouvait que le replonger dans son deuil et ses regrets. « Tu n'es pas responsable, » affirma-t-elle. J'ai appris beaucoup de choses ces temps-ci, entre autres le rôle des Montag, qui ont été ignobles avec maman. Et je ne me suis pas privée d'asséner ces quatre vérités à Nadine Clément. » Ouvrant de grands yeux stupéfaits, il la dévisagea avec inquiétude. « Que lui as-tu dit ?»« Que c'était sa faute !»« À elle ?»« Mais non, ma chérie, non. » À présent, il secouait la tête et semblait chercher sa respiration. Une fois encore, son regard courut le long des plates-bandes. « Bon sang, Pascal, tu finiras par me rendre fou à force de frapper au hasard. J'aurais dû te parler plus tôt, je sais bien. Seulement, en famille, il y a des sujets tabous, des choses auxquelles on ne fait jamais allusion. Et au bout d'un certain temps, il devient tout à fait impossible de les évoquer, encore moins de s'expliquer. » Un peu désemparée par ces phrases sibyllines et par son agitation, elle lui prit gentiment la main pour l'entraîner vers la maison, mais il refusa de bouger. « Papa ? Est-ce que ça va ? Comment voudrais-tu que ça aille ? » explosa-t-il. « Écoute, allons marcher un peu, je dois tout te raconter depuis le début. » Le temps était couvert, toutefois il faisait doux, et une promenade dans le parc permettrait sans doute à son père de se calmer. Aussi le suivait-elle sans protester, le long d'une allée. Lorsqu'ils passèrent devant la rangée d'hibiscus, il les désigna d'un geste fataliste. « C'est ma seule initiative botanique. Comme tu le sais, je les ai fait planter pour oublier cet horrible incendie. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la mort d'Alexandra, si atroce fut-elle, ne m'a pas causé un immense chagrin. Papa, s'il te plaît, ne m'interromps pas, sinon je n'y arriverai jamais. » Il se perdit quelques instants dans la contemplation des arbustes, indifférente à l'angoisse qui gagnait Pascal. À mon époque, tu ne peux pas imaginer comment on se mariait aisément sans passion. Il suffisait de trouver une jeune fille de son milieu pour fonder une famille. Moi, en plus, j'éprouvais du dépit parce que j'étais tombée amoureux de ta mère à l'âge du lycée. Un vrai coup de foudre. Malheureusement, elle avait disparu de la région et la rumeur disait qu'elle s'était mariée à Paris. Je me suis choisie une épouse très différente de cet amour d'adolescence. J'ai pris une blonde bien charpentée alors que Camille était un vrai Tanagra. Tombant des nues, Pascal faillit poser une question, s'en abstint. Son père avançait lentement, perdu dans ses souvenirs, et mieux valait ne pas couper son récit. Tout le monde a manifesté de la compassion pour moi quand je me suis retrouvée veuf. Pourtant, je peux dire aujourd'hui que ça... Oh, c'est abominable à dire, mais ça tombait bien, voilà. Parce que Camille venait de refaire surface, et je ne pouvais penser à rien d'autre. Horrifiée, elle s'arrêta net. Son père prit un peu d'avance, puis constatant qu'elle ne le suivait plus, il s'arrêta, se retourna. « Sans ce drame, j'aurais divorcé, évidemment. Tu découvriras un jour, du moins je l'espère pour toi, qu'on ne peut aimer, vraiment aimer, qu'une seule fois. Moi, c'était ta mère. Et tu viens, oui ou non ?» Pascal le rejoignit, le cœur battant, les idées en désordre. Elle ne devait surtout pas se méprendre. Pour l'instant, il ne faisait pas des aveux, il se contentait de raconter. Non, il n'avait pas mis le feu à l'atelier où Alexandra exerçait ses talents de peintre amateur. Il n'était pas un assassin et n'avait aucun crime à confesser. Elle se traita mentalement de folle pour avoir pu y penser, ne serait-ce qu'une seconde. Camille était la femme de ma vie. Elle réapparaissait et j'étais libre, tout semblait idéal. Un peu précipité mais magnifique, un vrai cadeau du destin. Je ne voyais qu'elle, le bonheur était enfin à ma portée. Sauf qu'elle n'était pas seule, elle avait Julia. Sa famille lui ayant refusé l'hospitalité, elle habitait une chambre de bonne dans la banlieue de Toulouse, où elle faisait des ménages. Tu imagines, ma pauvre Camille. « Tu vois bien que les Montagues ont été ignobles », souligna Pascal, dont le malaise grandissait. « Pas que les Montagues, ma chérie. Pas que, hélas. Pour tout te dire, je n'ai pas été plus charitable. » La voix de son père avait tremblé sur les derniers mots, à peine audibles. Il s'arrêta, reprit son souffle, en gardant les yeux rivés au sol, puis se remit en marche. Avec un temps de décalage, Pascal le suivit. Je l'avais retrouvée, j'étais fou d'elle, mais pas fou tout court. Je voyais bien qu'elle pouvait faire une mère parfaite pour Adrien. Seulement elle était obnubilée par Julia. Elle n'arrivait même pas à en parler sans pleurer. C'était son boulet, sa croix. Que payait-elle la pauvre ? Sa vie avait été une succession de catastrophes. Personne ne l'avait jamais aimée. Elle se raccrochait à cet enfant handicapé pour laquelle elle ne pouvait rien. Bien sûr, elle m'a vue comme son sauveur, tu penses. En plus, j'étais devenue médecin. Elle me faisait confiance. Et moi, j'ai... Oh mon Dieu, comment ai-je pu ? Il bifurqua vers un platane tout proche, donna un violent coup de poing dans le tronc, avant d'y appuyer son front. Derrière lui, Pascal resta figé, incrédule, commençant à comprendre et refusant de l'admettre. « Je voulais Camille tout à moi », avoua-t-il très bas. Dans le silence qui suivit, Pascal perçut des chants d'oiseaux, le chuintement léger du vent dans les feuilles, le cliquetis des graviers que son père faisait obstinément rouler sous une de ses chaussures. Contre cet arbre, il était comme un gosse qui aurait fait un caprice ou pleuré un gros chagrin. Me charger d'une enfant aussi lourdement handicapée était au-dessus de mes forces. Je ne sais plus comment j'ai réussi à convaincre ta mère, tout y est passé. J'utilisais du jargon médical destiné à l'effrayer. Je lui ai brossé une peinture apocalyptique de notre avenir avec Julia entre nous. La pauvre gosse était si peu avenante, si pitoyable. Comment aurait-elle pu devenir la sœur d'Adrien ? Et il aurait fallu les élever ensemble ? Je ne pouvais même pas l'envisager. D'ailleurs, l'espérance de vie de Julia n'était pas considérable. Il se retourna d'un bloc, faisant sursauter Pascal qui recula de deux pas. Camille a passé des nuits entières à pleurer. Et moi, à la persuader. Je me disais qu'après, nous en aurions fini avec les larmes. Si seulement j'avais su. Je n'étais pas de mauvaise foi, Pascal. Je finissais par croire à ce que je lui racontais. Une vie meilleure pour elle, pour moi, pour Adrien. Bien sûr, je sacrifiais Julia. Mais de toute façon, ta mère n'était pas en état de s'en occuper. Pas toute seule, non, souffla Pascal. En effet, il lui aurait fallu mon aide. Or, c'était la seule chose que je ne voulais pas lui donner. J'aurais fait n'importe quoi pour ta mère, je te jure. Je lui aurais même décroché la lune au besoin. Mais Julia, non. Je ne me sentais pas de taille. Je n'éprouvais rien pour elle, tu comprends ? Ni compassion, ni émotion, rien. À cause de son handicap, cet enfant n'était qu'un obstacle entre Camille et moi. Je ne voulais pas la prendre en charge. Je ne voulais pas qu'elle soit toujours là, pour toute notre vie. Il eut une sorte de sanglot sans larmes, un hoquet pathétique. Un dimanche, j'ai amené ta mère ici. Je lui ai présenté Adrien, je lui ai fait visiter Pérol. Et crois-moi, je savais parfaitement ce que je faisais en lui montrant le paradis, avec ce petit garçon au visage d'ange qui ne demandait qu'à retrouver une maman cette belle maison où se mettre à l'abri du monde. J'avais déjà pris en main son divorce d'avec Coste, pour accélérer la procédure afin qu'elle soit vite libre de m'épouser, et je lui offrais une nouvelle vie sur un plateau d'argent. Je voulais d'autres enfants, elle aussi. Nous nous aimions et nous étions d'accord sur tout. Hormis Julia. C'était un chantage ignoble. Soudain révolté, Pascal considérait son père avec horreur. Sa répulsion dut lui être pénible, car il ferma les yeux, s'adossa au tronc derrière lui et se laissa glisser jusqu'au sol, où il s'assit lourdement. Ignoble, oui, c'est bien ce que j'ai été. Un très long silence les sépara, jusqu'à ce que Henri trouve le courage de demander. « Pourquoi as-tu voulu déterrer tout ça ?»« Parce que c'est ma mère, ma sœur, mon histoire !»« Non, cette histoire est la mienne. J'en ai honte et je ne peux pas la réécrire, mais elle n'appartient qu'à moi. Tu n'aurais pas dû t'en mêler. » Pascal se détourna pour ne plus le voir. Elle l'avait toujours adoré, admiré, faisant de lui sa référence absolue, et elle avait l'impression que tout son système de valeurs venait de s'effondrer. À qui pourrait-elle se fier dorénavant ? Parcourue d'un frisson, elle leva les yeux, découvrit des nuages noirs qui s'étaient amoncelés au-dessus de Pérol, sans qu'elle en ait conscience. Un orage se préparait, et le vent était en train de se lever, agitant les fleurs. « Continue, » articula-t-elle d'une voix sourde. « Je n'ai plus grand-chose à ajouter. Au bout de quelques mois, ta mère a fini par céder à mes arguments. Julia avait besoin d'être entourée constamment. La DAS était la seule solution. Oh que non ! Même à l'époque, tu ne me feras pas croire que vous n'auriez pas pu vous en charger ou trouver une formule qui ne soit pas un abandon définitif. Je le voulais, Pascal. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Je le voulais. Je l'exigeais. » Elle s'approcha de lui, s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Tu n'as pas pu faire une chose pareille. Tu inventes ça pour défendre maman. Tu t'imagines que je la juge ou que je la méprise. Tu en serais capable. » Or, ça me ferait beaucoup de mal que tu t'en prennes à la mémoire de ta mère, car elle est innocente. Sa seule faute est d'avoir eu confiance en moi, de m'avoir écoutée. Elle était si jeune, si perdue. Elle avait tant besoin d'espoir. Comme pour son divorce, j'ai encore pris les choses en main. J'ai fait les démarches nécessaires. C'est moi qui lui ai tendu le stylo quand elle a signé les papiers de renoncement à ses droits. Et j'étais là le jour où elle a dit adieu à Julia, parce que je voulais être certain qu'elle ne flancherait pas. C'était un véritable adieu, pas un au revoir. Elle ne l'a jamais revu. Pas toi, papa. Je t'en prie, lâcha Pascal dans un murmure. Mais son refus ne servait à rien. Il se brisait sur l'évidence de cette vérité hideuse que son père lui livrait sans aucune concession. Si, moi, je l'ai fait. J'ai été cet homme-là. Un constat révoltant, dont il ne pouvait plus supporter le souvenir, à en croire son expression hagarde. Après, j'ai répandu le bruit que la petite fille était décédée. C'était un bon moyen pour empêcher les gens de poser des questions. Au moins, personne n'a plus parlé de cet enfant à ta mère. Il dut s'y reprendre à trois fois avant de parvenir à se relever. Son manteau qu'il avait gardé était froissé, un peu sali. Quand il se pencha au-dessus de Pascal, elle baissa la tête, recroquevillée sur elle-même, et il s'abstint de la toucher. « La pluie arrive, viens. » dit-il tout bas. « Je m'en fous » explosa-t-elle. « Je vais rester là pour entendre la suite, parce qu'il y a bien une suite, non ? Vous étiez obligés de vivre avec ça sur la conscience, l'un comme l'autre, et je ne peux pas croire que vous dormiez tranquille, surtout toi. Et si ce que tu as fait faire à maman s'appelle aimer, alors j'espère ne jamais aimer personne, parce que c'est à vomir. » Livide, il recula de quelques pas en trébuchant, tandis que Pascal cherchait son souffle. Dans sa colère, elle venait de l'insulter, de le blesser. Elle était même prête à le renier. Pourtant, quelque chose céda en elle, lui mettant soudain une boule dans la gorge et les larmes aux yeux. Elle ne put que chuchoter. « Explique-moi ce qui s'est passé après. » « Après ? » Eh bien, j'ai vite compris que j'avais commis la plus grave erreur de ma vie. Certes, Camille s'est attachée à Adrien, presque immédiatement comme je l'espérais, mais la plaie de Julia ne s'est pas refermée. Elle n'y faisait jamais allusion. Pourtant, elle y pensait jour et nuit. Je la voyais s'étioler. Nous nous sommes mariés dès que possible, et nous avons essayé de vivre normalement. Pour lui faire plaisir, j'ai commencé à envoyer des dons aux associations vouées à l'enfance. Ta mère devait y trouver un peu de soulagement, car elle aurait voulu que tout notre argent y passe. Quand elle a été enceinte de toi, Les choses se sont un peu arrangées. Cependant, je savais que ce ne serait que momentané. Le désespoir était toujours là, aigu, incurable. Camille, ma Camille bien-aimée. Au lieu de la sauver, je l'avais cassée pour de bon. Son cœur était en miettes, et de ça on ne guérit pas. Incapable de prononcer un seul mot, Pascal appuya le bout de ses doigts sur ses yeux brûlants. Puis elle se mit lentement debout, toujours muette. Henri enchaîna la voix rauque. « Voilà ma petite fille. Maintenant tu sais tout, et tu comprends sans doute mieux pourquoi je refuse de voir Julia. La rédemption m'est interdite. Il n'y a pas de pardon possible. Vis-à-vis d'elle, j'ai été un monstre d'égoïsme, de lâcheté, un être abject. Je me suis servi de mon statut de médecin et de l'amour que ta mère me portait pour condamner la malheureuse. Je n'étais ni altruiste ni même honnête. Je ne pensais qu'à moi. J'ai sacrifié la petite sans état d'âme, sans imaginer que ce crime allait me poursuivre durant toute mon existence. Car chaque jour de ma vie, j'ai payé, crois-moi. Et aujourd'hui, mon passé m'a rattrapé. Je me fais horreur. Quant aux fleurs plantées par ta mère, c'est vraiment le dernier coup de poignard. Sincèrement, je n'en peux plus. » D'un geste là, il désigna les parterres et les massifs, laissant errer son regard sur tout le parc. Comment n'ai-je pas compris qu'elle poursuivait une idée fixe? Cet amour maternel que j'avais assassiné, il fallait bien qu'elle l'exprime. Mais je ne voulais pas voir, pas comprendre. Sa détresse effraya Pascal, la sortant de l'hébétude où l'avaient plongé ses confidences. « Pourtant, tu as payé l'estrade pour qu'il continue ?» bredouilla-t-elle. « Oui, j'avais une vague intuition, noyée dans tous mes remords. Ta mère disait que les locataires massacreraient son jardin, et comme cette idée la rendait folle, on a gardé l'estrade. Après, quand tu es venu t'installer ici, j'aurais dû me débarrasser de lui. D'ailleurs, je voulais le faire, mais je me suis aperçue que c'était devenu une sorte de superstition pour moi, et je n'ai pas pu m'y résoudre. Ou alors peut-être que je savais ? Inconsciemment ? Que j'avais toujours su ? Ah, mon Dieu, ta mère, courbée en deux au-dessus de la terre. Comment ai-je pu me persuader qu'elle s'amusait ? Comment peut-on se mentir à ce point ? Elle traçait avec obstination les lettres de ce cri de douleur dans sa tête, de ce prénom qu'elle ne prononçait pas devant moi. Je n'arrivais plus à l'atteindre. Elle se croyait seule coupable. Je voyais qu'elle sombrait peu à peu dans la démence, et je ne pouvais pas la sauver puisque j'avais été son bourreau. En toute franchise, je hais Pérole. Ce paradis que j'ai délibérément interdit à Julia et qui a finalement été notre enfer. J'aurais donné n'importe quoi pour que tu n'y ailles pas. Mais je n'ai plus rien à donner parce que je ne m'aime pas. Et c'est très dur de se considérer soi-même avec dégoût. De vivre au quotidien en se souvenant qu'on a été capable du pire. Papa, si, le pire. Te rends-tu compte que Julia ne peut même pas m'en vouloir ni me maudire? Elle ne sait pas qui je suis. C'est l'impunité totale. Sans doute aurait-il préféré n'importe quel châtiment à cet acide qui le rongeait depuis 40 ans. Il était responsable de tout. Mais personne ne l'ayant jamais accusé de rien, il ne pouvait pas expier. Il ne faisait que souffrir. Pascal entrevit ce qu'avait dû être son calvaire. Il avait aimé Camille à la folie, et il l'avait perdue. À présent, en livrant la vérité à Pascal, il prenait le risque de la perdre à son tour. Et ce n'était pas de tardifs remords qu'il exprimait. C'était la douleur lancinante avec laquelle il avait vécu. Chaque soir, en rentrant chez lui, il avait vu sa femme un peu plus mal, un peu plus inaccessible, et le grand bonheur dont il avait rêvé ne lui avait jamais été accordé. N'était-ce pas une punition suffisante ? Papa, écoute-moi. Oh, si tu pouvais ne rien dire, j'aimerais autant. Avec ton fichu caractère, tes mots risquent de dépasser ta pensée, et je me suis fait plus de reproches que tu ne m'en feras jamais. Ne nous disputons pas, restons-en là. Je m'en vais. » Après un dernier regard furtif vers les massifs de roses, il contourna Pascal et s'éloigna. Où allait-il ? Reprendre sa voiture pour quitter définitivement Pérole ? S'imaginait-il avoir rompu les ponts avec sa fille ? « Attends-moi ! » cria-t-elle de nouveau furieuse. Comme il ne se donna même pas la peine de s'arrêter, elle le rattrapa en courant, se planta devant lui. « Ton histoire me fait l'effet d'une bassine d'eau froide reçue en pleine figure. Pourquoi ne m'as-tu pas révélé la vérité au fur et à mesure, quand j'ai commencé à te parler du livret de famille ?»« Pour m'épargner le genre de regard que tu me lances là. »« Mais non !» protesta-t-elle d'une voix radoucie. Ce qu'elle éprouvait pour lui à cet instant ressemblait à de la compassion. À l'évidence, son père n'avait plus rien à voir avec le jeune Henri Fontanel, celui qui avait eu le cœur assez sec pour écarter Julia de sa route. « La chute est dure, souffla-t-elle. Vous m'aviez fait croire aux contes de fées, maman et toi. J'étais persuadée que vous étiez des parents parfaits, des gens hors du commun. Et tu viens de t'apercevoir que je suis un monstre. Elle prit le temps d'y réfléchir pour de bon avant de murmurer. Non. Un humain, pas une icône. De tous les patients qu'elle avait soignés, veillés, parfois accompagnés jusqu'à la fin, elle avait entendu des confidences incroyables. L'existence la plus simple en apparence cachait souvent un passé compliqué ou douloureux. Et découvrir qu'il en allait de même pour sa propre famille, contrairement à tout ce qu'elle avait pu croire, ne suffirait pas à la dresser contre les siens. Tu as raconté tout ça à Adrien ? Pas tout, non. Je ne veux pas qu'il pense être à l'origine de mon rejet de Julia, même si c'était un peu pour le préserver. Un peu seulement, car de toute façon, je n'aurais pas voulu d'elle. Il ne cherchait décidément pas à se disculper. Il n'avait pas la lâcheté de se donner des excuses, il assumait ses actes. « Tu sais, papa, je compte retourner la voir. »« C'est bien. Mais je n'irai pas avec toi, Pascal. » Avoir avoué la vérité ne le soulageait en rien. Le poids de sa faute ne s'était pas allégé pour autant. Il avait toujours l'air vieux et accablé. Par quel effort de volonté avait-il réussi à donner le change jusque-là ? Un élan de tendresse incontrôlable poussa Pascal vers lui. Elle comprit qu'elle ne serait pas son juge. Elle n'en éprouvait pas le besoin et ne s'en arrogeait pas le droit. La pire des colères ne pouvait pas détruire d'un coup 32 années d'amour. Tous ses câlins, ses mots doux, ses chagrins consolés, ses enthousiasmes partagés, tout ce qu'il lui avait donné sans compter. Elle se revit enfant, dans ce même parc, courant à sa rencontre. Grâce à lui, elle avait été une petite fille heureuse et elle avait pu devenir la femme qu'elle était aujourd'hui. « Il faut que tu te reposes, » décida-t-elle. « Quelle chambre veux-tu ? » Exactement de la même manière qu'une heure plus tôt, elle le prit par la main pour l'entraîner vers la maison. Et cette fois, il se laissa faire.